Arrivés à Taunes, et moi, bien séché, nous déjeunâmes. Ensuite, il fallut procéder à l'importante affaire de préparer le dîner. Les deux demoiselles, tout en cuisinant, baisaient de temps en temps les enfants de la grangère, et le pauvre marmiton regardait faire en rangeant son frein. On avait envoyé des provisions de la ville. Il y avait de quoi faire un très bon dîner, surtout en friandises. Mais malheureusement, on avait oublié du vin. Cet oubli n'était pas étonnant pour des filles qui n'en buvaient guère. Mais j'en fus fâché, car j'avais un peu compté sur ce secours pour m'enhardir. Elles en furent fâchées aussi, pour la même raison peut-être, mais je n'en crois rien. Leur gaieté vive et charmante était l'innocence même, et d'ailleurs, qu'eussent-elles fait de moi entre elles deux? Elles envoyèrent chercher du vin partout, aux environs. On n'en trouva point, tant les paysans de ce canton sont sobres et pauvres. Comme elles m'avaient marqué leur chagrin, je leur dis de n'être pas si fort en peine, qu'elles n'avaient pas besoin de vin pour m'enivrer. Ce fut la seule galanterie que j'osais leur dire de la journée. Mais je crois que les friponnes voyaient de reste que cette galanterie était une vérité. Nous dînâmes dans la cuisine de la grangère, les deux amies assises sur des bancs aux deux côtés de la longue table, et leur hôte, entre elles deux, sur une escabelle à trois pieds. Quel dîner! Quel souvenir plein de charme! Comment, pouvant à si peu de frais goûter des plaisirs si purs et si vrais, vouloir en rechercher d'autres? Jamais souper des petites maisons de Paris n'approcha de ce repas. Je ne dis pas seulement pour la gaieté, pour la douce joie, mais je dis pour la sensualité. Après le dîner, nous fîmes une économie. Au lieu de prendre le café qui nous restait du déjeuner, nous le gardâmes pour le goûter avec de la crème et des gâteaux qu'elles avaient apportés. Et pour tenir notre appétit en haleine, nous allâmes dans le verger achever notre dessert avec des cerises. Je montai sur l'arbre et je leur en jetais des bouquets dont elles me rendaient les noyaux à travers les branches. Une fois, Mademoiselle Gallet, avançant son tablier et reculant la tête, se présentait si bien et je visais si juste que je lui fis tomber un bouquet dans le sein. Et de rire, je me disais en moi-même que mes lèvres ne sont-elles des cerises, comme je leur jetterais ainsi de bon cœur.